Ici Maxime Coutier. Aujourd'hui l'histoire, la tequila, boisson nationale du Mexique. Des trois breuvages obtenus au Mexique par la fermentation du jus de mezcal, tequila, mezcal et pulque, la tequila est le plus civilisée. Aussi incolore que de l'eau pure, gobée d'un seul trait à la manière mexicaine, après avoir léché du sel sur sa main, ce liquide enflamme la gorge. On le consomme aussi aux États-Unis. Voir mezcal, pulque. La tequila, telle qu'on la définissait dans l'Encyclopédie des vins et des alcools d'Alexis Lichine, ouvrage de référence présenté ici par Monique Miller, c'est à l'émission Des alcools et des hommes, diffusée le 13 mai 1982. Évidemment, la tequila aujourd'hui n'a plus besoin de présentation. Elle est au Mexique ce que le vin est à la France, la bière à l'Allemagne ou le saké au Japon. La tequila, c'est aussi, dans l'imagerie populaire, le verre dans la bouteille, l'alcool fort que l'on descend d'un trait dans une taverne louche remplie de bandidos mexicains. Mais c'est aussi aujourd'hui un alcool de qualité qui a acquis ses lettres de noblesse et qu'on déguste à petites gorgées, comme on le fait avec un bon scotch ou un whisky. Bref, c'est une histoire fascinante qui remonte aux sociétés précolombiennes, bien avant l'arrivée des Espagnols, et qui témoigne aussi de l'évolution du Mexique, de la conquête espagnole à la Révolution, jusqu'à aujourd'hui. Pas de la tequila avec des cactus, mais avec ceci, de l'agave bleu, une plante de la famille des Amaryllidacées. Déjà, les indigènes en faisaient une boisson, nous dit Antonio Núñez, producteur de tequila. Un jour, dit-il, un éclair a frappé un agave, l'a cuit, le jus a fermenté, le goût était bon. Ainsi a commencé la tequila, dit la légende, chez les Indiens, tequila, justement. Il y a une ville de tequila où on l'a produite en premier, dans la vallée du même nom. Elle vient aussi des hauteurs de l'état de Jalisco, autour de la ville d'Atotonilco. Les ventes de tequila ont énormément augmenté dans le monde. C'est une mode. Et celle de haute qualité encore plus, nous dit Bruce Day, un marchand de tequila. Elles ont carrément doublé, dit-il, d'une année à l'autre, à l'étranger et au Mexique. Les Mexicains boivent la tequila avant les repas, après aussi, même en dehors. Seul, comme un cognac, ou avec du sel et du citron, ou avec un jus épicé, mi-tomate, mi-orange, la sangrita, ou encore en cocktail, la margarita. Enfin, les Mexicains vont vous dire que la tequila naturelle à 100% a des propriétés curatives. Vous passe une bonne grippe, dit cet amateur. Ou si elle ne la guérit pas, elle la fait oublier. Mais ils finiront quand même par vous avouer à la fin que si on en abuse, comme pour le reste, c'est mauvais pour la santé. Oui, avec sans doute un mal de bloc garanti si on en abuse. Extrait d'un reportage, j'avais reconnu sans doute la voix de Jean-Michel Leprince, notre collègue au Téléjournal, sur les origines et la fabrication de la tequila diffusée au Téléjournal en septembre 1996. Et aussi cette légende, hein, cet éclair donc, qui est apparu comme ça et la tequila s'est mise à jaillir de la gave. Alors, pour départager peut-être le vrai du faux, hein, parce qu'il y en a pas mal là-dedans, avec nous Évelyne Ferron, historienne, professeure notamment à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Évelyne. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc on l'entend, les Aztèques, les Indiens connaissaient bien, non pas la tequila, mais la gave. Hein? Oui, la gave. Donc quand on pense à l'histoire de la tequila, on s'en va vraiment dans une région très particulière de l'ouest du Mexique, qui est la région de Jalisco, où effectivement les Aztèques ont été présents là, même avant le début du Grand Empire Aztèque. Donc on pense que c'est vers l'an 900 à peu près, en fait, qu'ils ont commencé à faire un alcool de cette plante-là. C'est sûr que la région de Jalisco est particulière parce qu'on a un sol volcanique, en fait une terre rouge qui donne un goût très particulier à la gave et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui c'est la région pour la production de la tequila. Et ce qu'on sait, c'est que vers l'an 900, on va prendre en fait les plantes d'agave, on va les couper en morceaux puis on va commencer à les faire bouillir, tout simplement. Et c'est cette espèce de bouillie qu'on va peut-être oublier, qui va fermenter au soleil, à la chaleur, et qu'on va quand même regoûter, qui va graduellement donner là, cette espèce de premier breuvage que les Aztèques vont utiliser dans un contexte uniquement sacré. Donc, c'était vraiment pour les cérémonies religieuses qu'on utilisait ce breuvage-là, qu'on appelait la pulque, donc cette espèce de bouillie qu'on laissait fermenter, mais qui graduellement va porter aussi le nom, toujours en nahuatl, qui est vraiment la langue qui donnait un peu tout le vocabulaire en fait qu'on utilise en lien avec la tequila, là, qu'on va appeler graduellement aussi le mezcal, quand on va avoir quelque chose de beaucoup plus liquide en fait à boire. Et c'était vraiment réservé pour les personnages importants qui faisaient des cérémonies religieuses dans n'importe quel contexte. C'était vu comme quelque chose de divin, de difficile à obtenir aussi quand même. Oui. Mais on sait que les Aztèques, on le sait par les récits des Espagnols, en fait, l'utilisaient aussi pour les rhumatismes. Mais comme ils faisaient uniquement bouillir et fermenter le mélange, on ne parle pas d'une vraie tequila parce qu'on parle d'à peu près 7-8 % d'alcool. Donc, c'est très, très faible. C'est ce qu'on retrouverait dans une bière forte ou même pas dans une bouteille de vin. Donc, c'est pas quelque chose qui les saoulait nécessairement facilement. Mais qui pouvait sans doute les enivrer hein, parce qu'on parlait de boissons divines. Puis justement, l'ivresse, vous l'avez dit, hein, c'était réservé à une élite. Oui. Et l'ivresse publique, elle était sévèrement réprimé, c'est ce que nous dit donc Pierre Villon. Toujours, on en revient à cette émission des alcools et des hommes, 13 mai 1982, qui nous raconte que les Aztèques avaient leur dieu de l'ivresse et leur déesse de l'agave. Pour revenir aux Aztèques, notons qu'en homme bien organisé, ils possédaient leur dieu de la boisson et de l'ivresse, ainsi qu'une déesse de l'agave, dénommée Mayahuel. Leurs adorateurs ne devaient pas manquer, car la loi aztèque réprimait sévèrement l'ébriété publique. Les gens du peuple étaient passés à tabac, les prêtres et les hauts fonctionnaires démis de leurs fonctions. Quant aux nobles, ils étaient passibles de la peine de mort. Les vieillards, par contre, avaient le droit de s'enivrer pendant les fêtes. Mince consolation à l'outrage des ans. Voilà, pas question de se saouler en public. Non. Hein, à l'époque, on fait un saut dans le temps, évidemment. 1519, les Espagnols qui débarquent, les conquistadors. Mmh. Cortés qui se met en marche vers Mexico. 1521, l'impensable qui se produit. L'Empire aztèque qui s'effondre hein, assez rapidement. Les Espagnols s'installent. Mais ils ne peuvent pas cultiver la vigne parce que normalement, ils auraient dû importer le vin. Pourquoi ils ne le font pas? Ben, en fait, là, ils viennent d'arriver. Ils sont en train de découvrir le climat qui est quand même très particulier aussi de l'Amérique du Sud. La question du transport n'est pas évidente non plus à ce moment-là. Ce n'est pas encore si bien organisé de ça au tout début, en fait, de la colonisation espagnole. Donc, c'est sûr que les premiers colons qui s'installent n'auront pas ce qu'il faut pour faire du vin en Amérique du Sud. Et même essayer de planter la vigne, on parle d'essai au début. Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne sera pas gagnant nécessairement. Non plus. C'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus aride. Voilà, vraiment. Donc on a des petits problèmes à cet égard-là aussi, même si on fait des essais. Et c'est comme ça qu'on va s'intéresser, en fait, au fameux vin de mezcal. On va l'appeler comme ça, on va dire, bon, à défaut d'avoir du vrai vin, on va goûter ce produit-là, en fait, que les Aztèques boivent, qui appellent du mezcal. Bon, eux l'ont appelé le fameux vin de mezcal. Et déjà en 1530, en fait, vous avez un conquistador qui s'appelle Cristobal de la Notte qui envoie une lettre au roi Carlos III en Espagne et qui lui dit, écoutez, ils font quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y aurait peut-être moyen, à la limite, de produire un alcool sur place pour les gens qui habitent du moins le territoire, si on le veut. Alors, déjà, il y a un intérêt de l'Espagne à voir qu'est-ce que c'est que ce mezcal-là. Mm-hmm. Et c'est comme ça que graduellement, on va octroyer des terres à des grandes familles espagnoles qui vont accepter de se déplacer en Amérique du Sud au Mexique, dont la famille de Cuervo, qui sera dès cette époque. On connaît encore aujourd'hui. Là. Voilà. Elle elle reçoit des terres du roi dès le début. C'est une famille qui est là. C'est les grandes familles, en fait, des départs qui graduellement vont être associés à la grande histoire de la tequila. C'est sûr que là, ce qu'ils réalisent, c'est qu'on fait juste bouillir, en fait, la plante d'agave. Ça donne un produit qui est intéressant, mais qui pourrait être beaucoup plus fin au niveau du palais. Et comme les Espagnols, par les Arabes, en fait, qui ont habité l'Espagne, ont découvert la distillation, ben, c'est comme ça que graduellement, en fait, la famille de Cuervo, en particulier, va essayer de distiller, en fait, cette espèce de bouillie d'agave. Et c'est là qu'on va commencer à arriver avec un produit qui va avoir un goût vraiment intéressant. On va essayer différentes plantes d'agave pour réaliser que c'est vraiment l'agave bleue et celle qui pousse dans la région de Jalisco qui donne ce goût très, très particulier, un peu comme poivré à ce qu'on appelle la tequila. Et là, on vient de passer du vin de mezcal produit encore localement aujourd'hui, parce que ça existe, à ce qu'est la tequila. Donc, la distillation... Celle qu'on connaît aujourd'hui, hein, claire, oui. comme de voilà, l'eau. Voilà, claire comme de l'eau, et c'est ce fort. Qui fait la... très forte. Oui. C'est la distillation qui fait oui, ça oui, aussi. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est qu'on va réaliser différentes techniques. C'est qu'on, comme on veut un alcool plus fort aussi, on sait que le sucre est important. Donc, on sait qu'on va laisser pousser les plantes plus longtemps, jusqu'à 7 ans avant de pouvoir aller extraire le jus pour pouvoir ensuite le laisser fermenter. Ce qu'on cherche, c'est le sucre, en fait, aussi, dans la gave. Donc, on doit vraiment ça à la famille de Cuervo et aux Espagnols qui vont donc raffiner énormément ce que les populations locales, les Aztèques, buvaient à l'époque, qui était plus une bouillie fermentée avec un goût peut-être un peu infect au goût des Espagnols de ce qu'on en sait. Mais c'est comme ça vraiment qu'on va commencer à arriver avec ce produit qui est la tequila. Le nom, par contre, il y a une tribu, on l'entendait au tout début de l'émission, il y a une tribu précolombienne qui s'appelait Tequila qui habitait dans cette région-là, mais on a aussi un mot nahuatl qui s'appelle tiquitol, qui veut dire le travail, donc travailler au champ, etc. C'est probablement, en fait, ce vocabulaire-là qui a donné le mot tequila pour la distinguer du mezcal. Mais cette passation-là du vin de mezcal à tequila n'est pas très claire, par contre, dans les archives. À partir de quand on se met à produire de façon un peu plus industrielle? Parce que j'imagine, au début, c'est une production locale. Oui. On boit la tequila dans la région. À partir de quand, donc, on transforme la chose et ça devient une production de masse ou à l'ensemble du Mexique? Dans les années 1870, là, lentement, le chemin de fer va se rendre aussi. Il va se passer quand même beaucoup de choses. Il va y avoir le contexte, en fait, de la ruée vers l'or. Il y a plein de choses, en fait, qui se passent dans la région du Mexique quand on est au 19e siècle. Mais vous avez, en fait, un traître dans cette histoire-là. Il s'appelle Don Cenobio de Sosa. C'est un jeune homme qui va travailler dans la région, qui va travailler, en fait, pour les distilleries de Cuervo, qui étudie la façon de faire. Il va aller faire d'autres emplois. Et lui, à un moment donné, il a assez d'argent. Il se dit, je vais acheter des petites distilleries qui ne font pas grand-chose. Je vais en appeler une, la Perseverancia, la persévérance. Mm-hmm. Et c'est lui qui va utiliser les nouvelles techniques industrielles. Donc, travailler en usine en plus grande quantité où on va mieux calculer, justement, la quantité de sucre, etc. Et c'est lui qui va arriver avec la fameuse tequila. Sosa, et il va devenir... Voilà, qu'on connaît encore aujourd'hui. L'autre grande compagnie. Hein. Bien, qui est la grande, celle qui va vraiment, en fait, être la plus associée à l'histoire de la tequila à l'époque industrielle. Et c'est donc un ancien employé de la famille de Cuervo qui devient son plus grand... Un traître qui devient son plus grand compétiteur, mais qui va arriver avec un produit intéressant et qui sait surtout le vendre. En fait, c'est ça que Sosa a fait, que Cuervo a peut-être moins fait quand on arrive à l'époque industrielle. C'est qu'avec les liaisons par le chemin de fer, on va se dire, bon, on va essayer d'envoyer des barils chez nos amis, les Américains, ils vont sûrement apprécier le produit et c'est sûr que ça fait vraiment une sensation, ça a un goût très, très particulier. Le niveau d'alcool est rendu très élevé, on joue dans des très gros pourcentages. Et ça plaît énormément parce qu'on a quelque chose qui peut se boire rapidement et qui a un goût qui est unique, mais qui effectivement donne des effets qu'on ne retrouve pas nécessairement avec le scotch ou le whisky, ça c'est souvent un retardement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et c'est ça le coup d'éclat de Sosa, c'est d'avoir réussi à rentrer rapidement sur le marché américain, même si c'est une histoire, par contre, qui est difficile parce qu'au gré des conflits avec les États-Unis, avec la Révolution mexicaine et tout ça, c'est sûr qu'il y a des périodes où le commerce avec les États-Unis ne sera pas si bon que ça, mais ça reste que c'est la compagnie qui a réussi à rendre peut-être internationale, en fait, la tequila. Alors, il faut leur donner ça. Vous évoquez la Révolution mexicaine, justement. Vous avez évoqué la période industrielle. Mm-hmm. 1910, début de cette Révolution, 1910 jusqu'à 1920, avec les conflits qu'on connaît, les figures mythiques, Zapata, Pancho Villa. Mm-hmm. Justement, ces grandes familles, les Cuervo, les Sosa, propriétaires, grands propriétaires terriens, c'est contre eux qu'on se révolte à l'époque. Ben oui, ce sont les familles... Ils incarnent, c'est latifundista. Ce sont les familles aristocratiques. Alors, c'est sûr que c'est celles qu'on vise. On les associe à la dictature de Porfirio Diaz, on les associe, en fait, à la monopolisation du terroir mexicain. On considère qu'ils ne sont plus tant que ça, qu'ils ne sont pas mexicains, ils sont espagnols, donc ce ne sont pas des gens qui ont des locaux, ce ne sont pas des indigènes non plus. Alors oui, c'est sûr qu'on les vise, mais c'est encore là... dans ce contexte-là que Sosa va réussir à récupérer ça. Donc là, on est rendu à la deuxième génération de Sosa. Déjà, mais, oui, qu'ils vont se dire, ah, ben écoutez, oui, peut-être qu'à l'origine, notre famille est espagnole, mais on est ici depuis assez longtemps et on fait un produit, en fait, qui est local, qui est mexicain. Mm-hmm. Alors, quand la révolution commence, ben la compagnie de Sosa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à faire une publicité disant, vous ne voulez pas, en fait, un monopole des États-Unis au Mexique, vous ne voulez pas non plus que les grandes familles famille monopolise les terres et tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous nous attaqueriez? On fait le seul produit qui pourrait devenir l'identité mexicaine. C'est une plante d'ici. Port. Voilà, oui. C'est une plante d'ici. On fait la production ici et on exporte, en fait. Donc, il n'y a pas de production qui se fait à l'extérieur du Mexique. Et c'est comme ça que Sosa se sauve un petit peu, je dirais, de la tempête, contrairement à d'autres grandes familles aristocratiques, en arrivant avec l'idée qu'il a un produit national. Et donc, des Pancho Villa, Emilio Zapata vont d'ailleurs cesser la consommation de tout produit qui pourrait être américain. Et on va les voir boire de la tequila partout dans les images, les photographies, parce qu'ils se disent, voilà le produit, en fait, de l'identité mexicaine. Ils ont raison. Et c'est comme ça que Sosa va fournir, en fait, en grande partie, les révolutionnaires du Mexique et se sauve, en fait, du point de vue de l'économie. S'en sort très, très bien si on compare à d'autres familles qui produisaient plein de choses, en fait, du point de vue de l'agriculture. On les boudait. Donc, ils ont eu des problèmes économiques sérieux. Mais Sosa s'en sort. Parce qu'il y a eu une révolte très, très forte des paysans, des révolutionnaires, d'ailleurs, qui est bien incarné, bien illustré dans ce film d'Elia Kazan, Viva Zapata, 1952. Dialogue imaginaire entre le héros de la Révolution, hein, Zapata, et le président dictateur de l'époque, Diaz. Qui est-ce qui a volé vos terres? La grosse propriété. C'est plus grand qu'un royaume. Ils ont pris nos verts pâturages. Ils ne nous ont laissé que les collines arides. Le maïs ne peut plus y pousser. C'est vrai. Ils l'ont entouré de barbelés. Nos troupeaux ont faim. Pouvez-vous prouver que ce champ est à vous? Ces terres appartiennent à notre village depuis toujours. Mes enfants, je suis votre père, votre protecteur. Nous sommes du même sang. Mais croyez-moi, ces affaires sont longues à régler. Il faut être patient. Si vous permettez, mon président, nous faisons nos tortillas en maïs, non en patience. La patience ne peut rien contre des barbelés gardés. Comment t'appelles-tu? Zapata. Que dis-tu? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, hein, oui. Il signait la légende, alimentée par le cinéma, bien sûr. Ce dialogue-là, probablement qu'il n'a jamais existé. Mais vous le disiez, donc, cette tequila, elle est associée à l'imagerie de la Révolution mexicaine. Oui, parce qu'on en fait justement un des produits de l'identité nationale du Mexique. Donc, c'est comme un peu le maïs. Donc, ce sont des produits qui ont toujours été associés à l'histoire mexicaine. C'est un produit que les États-Unis achètent du Mexique. Alors oui, ils vont en faire une très grande promotion. Et ce qui devient intéressant quand même aussi à ce moment-là, c'est qu'une fois que la Révolution est terminée et que le Mexique arrive avec sa constitution, les Sosa, toujours, sont vraiment associés à tout ça, vont être assez généreux envers les Mexicains parce que c'est sûr qu'eux n'ont pas fait faillite. Donc, ils sont quand même très riches grâce à ça. Ce sont eux qui vont financer la première université du Mexique. Ce sont eux qui vont financer la première radio commerciale du Mexique et les premières boîtes de nuit aussi pour montrer que le Mexique entre dans une nouvelle ère indépendante, mais une ère quand même moderne. Alors, comme ils ont fait beaucoup d'argent, ils redonnent, de leur point de vue, en tout cas, à la communauté mexicaine en essayant de moderniser un peu les sources de divertissement, mais aussi l'éducation. Donc, ils ont investi dans la première grande université mexicaine parce qu'on voulait aussi que les Mexicains soient fiers et soient éduqués et soient capables aussi de faire du commerce international et d'embarquer, en fait, dans la nouvelle vague économique qui s'annonçait, mais qui était difficile, finalement, vu le crash boursier de 1929. Oui, c'est mal parti, mais oui. C'est ce qui fait que ils ont aidé, en fait, le Mexique à s'en sortir en faisant des choses comme ça. Le produit est taxé aussi, et comme il s'en vend en grande quantité, bien, c'est sûr que ça va donner aussi des revenus au nouvel État mexicain pour réinvestir, encore une fois, dans les institutions publiques, dans les villes, en fait. Alors, la tequila, elle est devenue le produit exportable. D'exportation. C'est oui. d'exportation qui va donner des revenus quand même assez substantiels au Mexique, surtout à partir des années 30. Alors, et ce sont toujours les deux Sosa qui sont toujours, derrière. Toujours. Ils tiennent le cordon familles. De la bourse jusqu'à aujourd'hui, une fois. Ouais. Et c'est sûr que Pancho Villa va donner quand même l'image, par contre, à la tequila, une image de beuverie. Parce que c'est sûr qu'il n'a jamais l'air vraiment sobre dans les images et tout ça. C'est un petit peu particulier. Mais c'est sûr, quand il est assassiné, pourtant, on va lui donner... Il y a une tequila qui va porter son nom, une qui va porter le nom de son cheval. On va quand même dire, la publicité était quand même très bonne, alors on va te redonner ce qui te revient. Publicité insister parce que justement, oui. cette révolution et Pancho Villa, ça a été mis en scène beaucoup par Hollywood hein, et le cinéma américain. Par la suite, oui, parce que ce sont des personnages assez particuliers, je veux dire, qui tirent de la gâchette un peu n'importe comment sur leurs chevaux et qui n'ont jamais l'air sobres. Et ça, ça marquait l'imaginaire d'être aussi bon de la gâchette, mais alors qu'ils ont l'air intoxiqués. En enfilant quelques verres. C'est ouais. ça. Ben, en fait, ils ont la bouteille directement et ça marque l'imaginaire, mais ils sont des personnages colorés. On l'entend un peu dans l'extrait du film. C'est que, comme ils confrontent en fait les autorités politiques, les autorités économiques et les grandes familles, ils ne le font pas avec le dos de la cuillère. Ils ont un langage qui est quand même, qui peut être assez violent et envers les Américains aussi. Donc, ils sont des personnages, un peu comme Joaquin Murrieta, qui est associé au banditisme de la rue vers l'or qui a inspiré Zorro. Ils deviennent en fait des sources d'inspiration pour le divertissement américain parce qu'ils sortent de l'ordinaire. Et cette imagerie ranchero, hein, c'est repris dans les années 40-50, c'est l'âge d'or du cinéma mexicain, ce type-là, qui est un peu l'équivalent mexicain du western spaghetti, hein, les films ranchero, où on met en scène toujours à peu près la même chose, une espèce de mélange de folklore puis de réalisme campagnard. Puis il y a toujours cette scène, on n'a qu'à l'imaginer, hein, où on voit ce personnage macho, moustachu, avec le sombrero, qui entre dans une cantina, qui est l'équivalent d'une taverne, et qui noie sa peine, souvent, dans la tequila, parce que sa femme l'a abandonné, parce qu'il est seul. Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui. La tequila, ça a acquis ses lettres de noblesse. Hein, et cette tequila, elle a été plus tard, dans les années 70, réglementée, une espèce d'appellation d'origine contrôlée. Et c'est, encore une fois... La famille Sosa, effectivement. On y revient tout le temps. C'est Don Javier, en fait, Francisco, qui réalise en fait que même en Europe, on vend de la tequila. Et là, il se dit, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas produire de l'agave bleu. Il faut que ça contienne au moins, je vous dirais facilement, 60 % d'agave bleu pour faire ce qu'on pourrait appeler une vraie tequila. Mais qu'est-ce que ce sont ces copies qui arrivent un peu sur le marché? Et là, il se fâche. Et il va effectivement, en 1974, demander à ce que l'appellation tequila soit réservée uniquement à ce qui est produit dans la ville de Tequila. Et graduellement, ça va s'élargir, en fait, à la région parce que l'agave bleue pousse quand même dans un spectre plus large, effectivement. Mais donc, c'est encore la famille de Sosa qui veut s'assurer que le produit... C'est patriotique. Depuis, en fait, la Révolution mexicaine, c'est un produit du Mexique. Ne venez pas nous voler ce qui fait notre identité, ce qui fait la nation mexicaine. Et ce produit-là, au goût unique, il n'est pas question, en fait, que vous lui touchez. Alors, c'est ce qui fait qu'en 1974, ça passe. C'est que graduellement, en fait, on va même... réglementer la question du pourcentage d'agave, le fait que ça doit être uniquement... Ça doit contenir 50 % plus. Exactement. Voilà. Souvent, vous allez voir 51 et 60 % pour avoir une tequila d'agave bleu qu'on peut appeler une véritable tequila. Donc, quand on parle d'une boisson nationale, on n'exagère pas. C'est vraiment un symbole identitaire très, très fort. Très fort, au Mexique. Oui, parce que c'est un produit qui est unique. Donc, parce que la plante et le sol, en fait, volcanique, est unique aussi. Et c'est ce qui fait qu'on va toujours essayer de l'associer au fait que ce n'est même pas sud-américain, c'est pas l'Amérique centrale. Essayez pas d'étirer ça. C'est produit du Mexique et surtout de la région de Jalisco qui a ce qu'il faut pour produire cette plante-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va graduellement commencer à lui donner des appellations. Donc, il y a la silver, donc la argent. Il y a un peu plus premium. Il y a gold. On va commencer vraiment à entrer dans ce qu'on appelle les alcools de luxe. Aujourd'hui, en fait, on peut dire que quand on consomme une tequila, généralement, on la consomme pour son goût. Et là, on va acheter un produit de qualité. Et ça, donc, on va l'enfiler comme ça avec du sel. Voilà, c'est la suite logique, de cette histoire qui est partie des Aztèques et qui s'est rendue jusqu'à nous. Intimement lié donc à l'histoire du Mexique, de l'évolution, de la conquête, de sa révolution. Évelyne Ferron, historienne, professeure notamment à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire, site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire, ou bien il y a toujours la balado-diffusion. Et vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@commercialradio-canada.ca. Ici Maxime Coutier, en remplacement de Jacques Beauchamp. À une prochaine. Suelta mi tristeza con canciones y botellas de tequila y a pesar